franceinter.fr. Bonsoir, c'est un polar scientifique dans une ambiance de ménagerie que je vais vous raconter ce soir. Le chevalier de Lamarck et le cou de la girafe. Une histoire qui va nous entraîner en 1802, à l'époque du consulat, dans un lieu en apparence paisible, le jardin des plantes du Muséum d'histoire naturelle de Paris. En compagnie de deux personnages incongrus et très attachants, Jean-Baptiste de Lamarck, professeur de zoologie, et sa fille, Aménaïde, 12 ans, joyeux mélange d'espièglerie et d'intelligence scientifique. Derrière les murs du Muséum d'histoire naturelle, créé quelques années plus tôt en pleine tourmente de la terreur, des savants patiemment collectionnent et classent les espèces animales, les coquillages, les ossements et les fossiles, collent dans de grands herbiers les fleurs rapportées du monde entier par les explorateurs. C'est dans cette ambiance, quasi monastique, que notre héros de ce soir, Jean-Baptiste de Lamarck, va élaborer une théorie scientifique, le transformisme, qui va véritablement révolutionner notre conception du monde. Autant en emporte l'histoire, avec Stéphanie Duncan. Laurent Loison, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien des sciences, spécialisé dans l'histoire et la philosophie de la biologie, en particulier les théories de l'évolution. Alors vous avez consacré votre thèse aux théories lamarckiennes. Pourquoi ce choix? Pourquoi Lamarck en particulier? Alors, en fait, on vit maintenant dans un monde scientifique où ce sont les idées darwiniennes qui sont la norme, mais tout au long du 19e siècle... La norme, pas pour tout le monde. Hein. Alors la norme scientifique. On en parlera tout à l'heure. La norme oui. Scientifique, je parle pour les scientifiques. Et tout au long du 19e siècle et même durant une partie du 20e siècle, en fait, ce sont plutôt les idées que l'on dit lamarckiennes qui ont dominé la scène scientifique. Et du coup, pour un historien des sciences, évidemment, c'est quelque chose de fondamental de bien comprendre ce qui s'est passé pour la théorie de l'évolution au 19e siècle. On ne va pas dévoiler ici tout de suite l'histoire que je vais raconter dans quelques minutes, mais déjà, pour brosser un peu un tableau général, en quoi Lamarck est-il annonciateur des idées de Darwin? Qu'est-ce qu'il a apporté comme idée? Le principal apport de Lamarck, de ce point de vue-là, c'est qu'il est le premier à avoir conçu une théorie de l'évolution des espèces. C'est-à-dire que d'autres avant lui, ou en même temps que lui, ont eu l'idée que les espèces pouvaient se transformer. Mais lui, contrairement à ses contemporains et ses prédécesseurs, il en fait une véritable théorie scientifique qu'il développe sur des centaines de pages en essayant d'y apporter un certain nombre d'arguments. Et donc, c'est ce qui fait toute la différence entre Lamarck et les gens qui sont venus avant lui ou les gens qui sont venus à côté de lui. Alors, pour ce qui est des liens entre Lamarck et Darwin, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué parce que Darwin a refusé pendant un certain temps de reconnaître ce qu'il avait pu devoir à la pensée de Lamarck. Darwin, ce sera dans les années 1856-57. Voilà, il publie l'Origine des espèces en 59, donc c'est en gros un demi-siècle après Lamarck. Et le fait est que la théorie de Darwin est fondamentalement différente de l'explication de Lamarck. Et quand Lamarck, justement, élabore sa théorie, quelle est la pensée dominante à ce moment-là, en 1802, sur l'origine des espèces animales et des humains? C'est la pensée religieuse qui domine? Alors, ça va dépendre des pays. C'est surtout ce qui domine, par exemple, en Angleterre. Mais en France, en fait, il y a un vaste débat qui s'est ouvert, notamment avec la mort de Buffon, qui était le grand naturaliste français du XVIIIe siècle. On va l'entendre dans quelques minutes. Voilà, décédé en 88. Et du coup, la mort de Buffon et la Révolution française ont fait que s'est ouvert un vaste débat sur ce qu'on appelait à l'époque la réforme de l'histoire naturelle et la question de la mutabilité des espèces ou même de la définition de l'espèce est devenue à ce moment-là une question centrale. Donc, ce n'était pas un débat mis sous les ténoirs pour des raisons religieuses, c'était un débat scientifique actif, au moins en France et à Paris, durant ces années de la fin du XVIIIe et du début du XIXe. Et le Muséum d'histoire naturelle, je viens d'en parler à l'instant, donc qui a été créé en pleine révolution, donc en 1793. Est-ce que ce lieu a été justement le lieu de la possibilité justement de cette recherche scientifique ? Oui, tout à fait. Le muséum vient sur les décombres du Jardin du Roi, qui était donc dirigé par Buffon. Et durant pas loin d'un demi-siècle, ça va être l'endroit central pour faire de la science en Europe et donc dans le monde par conséquent. Et en particulier, évidemment, ce que l'on appelait encore les sciences naturelles à cette époque. Donc c'est vraiment le centre intellectuel européen de l'époque. Et du coup, c'est le lieu privilégié pour débattre de ces questions, bien sûr. Alors, l'histoire que je vais raconter dans un instant a été écrite sur le mode du polar avec une dimension romanesque clairement assumée pour, j'espère, pour votre plus grand plaisir. Laurent Loison, nous nous retrouvons dans une trentaine de minutes, le temps d'écouter « Le chevalier de Lamarque et le cou de la girafe », un texte de Patrick Nautret, écrit spécialement pour Autant en emporte l'histoire, réalisé par Sophie Haute Picon. Une lueur jaune, Aménaïde, dans le parc ? Oui, c'est le froid qui m'a réveillée. J'avais oublié de remettre du bois dans la cheminée pour la nuit. Ma chambre était glacée. J'ai rallumé un bon feu, et puis je ne sais pourquoi, je suis allée à la fenêtre. La lune était cachée par les nuages. Tout était noyé dans un épais brouillard. Je devinais seulement la grande forme sombre du château, au fond. C'est à ce moment que j'ai aperçu la lueur. C'était sans doute un phénomène de l'atmosphère. Elle se déplaçait lentement dans le brouillard, tantôt s'éloignant, tantôt se rapprochant, puis restait un instant sur place avant de se mouvoir à nouveau. J'ai eu peur. J'étais sur le point de venir vous réveiller quand la mystérieuse apparition s'est éloignée, a diminué, et puis elle s'est comme évanouie. C'est à cet instant que j'ai entendu les hurlements. Les hurlements des loups. C'était peut-être un reflet de la lune sur une flaque d'eau gelée, changeante, avec les mouvements des nuages dans le vent. Mon père, vous étudiez souvent les variations du temps qu'il fait et toutes ces choses naturelles, mais je puis vous assurer... Un insecte lumineux, peut-être. En hiver ? Ou bien alors ? Oui. C'était une licorne. On en a aperçu une qui gambadait dans le parc ces jours derniers. Une licorne ? La corne torsadée que ces animaux portent sur le front émet une lueur jaune dans l'obscurité. Tu l'ignorais ? Vous vous gossez de votre fille qui a eu si peur et qui est bien fatiguée car elle n'a pu se rendormir après cela. C'est mal. Je sais très bien que les licornes sont des animaux fantasmagoriques. Tu dis vrai. Pardonne-moi, ma chère enfant, veux-tu ? Bien, le labeur nous attend. Nous devons partir à mon cabinet de travail. Je dois ouvrir un nouveau chapitre de mon livre sur les êtres vivants. Et toi, tu sais ce que tu as à faire. Aménaïde a 12 ans. Elle est la fille du naturaliste Jean-Baptiste de Lamarque, ex-gardien des herbiers du cabinet du roi et professeur de zoologie. Elle vit avec son père dans sa petite maison du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, entourée de son parc de plus de 20 hectares. En ce mois de janvier 1802, le parc est ouvert au public 2 jours par semaine. Dans les allées, des enfants jouent au cerceau, des couples élégants se promènent dans la ménagerie, des soldats à bicornes passent sur leurs montures lancées au petit trot, tandis que des charrettes apportent aux savants des spécimens inconnus, expédiés du monde entier par les grands voyageurs. Derrière la façade de 120 mètres de long du muséum, on classe, on collectionne, on étudie à la lueur des bougies et on enseigne les sciences naturelles. Lieu de recueillement scientifique, l'ancien jardin du roi est aussi le creuset d'idées nouvelles. Cette année-là, le premier consul, Bonaparte, signe avec le Saint-Siège le Concordat, qui reconnaîtra que la religion catholique est celle de la plus grande majorité des Français. Dans cette période qui succède à la Révolution, la ferveur religieuse revient dans le pays. Avant d'observer depuis sa fenêtre cette étrange lumière dans la nuit, la jeune Aménaïde ne se doutait pas du drame qui allait bientôt survenir. Mon père a été un glorieux soldat. C'est un botaniste de grand renom. Il collectionne aussi les coquillages et il compte les vertèbres des animaux, du moins ceux qui ont des vertèbres. Moi, je l'aide en faisant sécher les plantes que je colle ensuite sur de grandes feuilles de papier. et puis il me dicte leur nom. Il dit que je suis moi aussi un peu une savante. Il appelle les abeilles son cher petit peuple. Il écrit sans cesse des livres. Il doit avoir la tête curieusement faite, car il ne pense pas du tout comme les autres gens qui travaillent ici. Il me dit qu'il est nécessaire de connaître tous les êtres, même les plus petits, pour pouvoir comprendre la plus grande de ses théories. Elle est née lorsque Monsieur le Comte de Buffon, qu'il tient pour le plus grand de tous les savants, lui a révélé son secret. Un secret qui a bouleversé toute sa vie. Buffon, le maître de Lamarck, était un des plus grands savants du XVIIIe siècle. Son nom est indissociable du Jardin des Plantes de Paris. Ce grand naturaliste, mort en 1788, a transformé les Jardins du Roi, un jardin d'apothicaire créé sous Louis XIII, destiné à enseigner l'art de guérir par les plantes, en l'un des plus importants centres de recherche scientifique d'Europe. Il le dirigea pendant près d'un demi-siècle, jusqu'à la veille de la Révolution. Son but, faire l'inventaire de la nature et comprendre ses mécanismes. Buffon recruta de prestigieux savants, parmi lesquels le botaniste Jean-Baptiste Monnet de Lamarck. Progressiste, ami des philosophes des Lumières, le chevalier de Lamarck se prépare en ce début d'année 1802 à publier un livre sur son incroyable découverte. Une découverte qui va bouleverser totalement notre conception du monde. Qu'y a-t-il dans ton panier, Aménaïde? Tu sembles en faire mystère. Des fruits d'hiver, mon cher père. Pour notre table, ils semblent flétris. Celui à qui ils sont destinés s'en moque bien. Et peut-on savoir? C'est là mon secret. Je vous le dirai peut-être quand vous m'aurez dit celui de Monsieur de Buffon. Marché conclu. Alors? J'étais alors âgé de 34 ans. J'avais été le précepteur de son fils. Monsieur de Buffon était mon protecteur. En 1778, j'étais allé le visiter en Bourgogne, où il avait une forge. 400 ouvriers s'y affairaient. Un grand escalier permettait d'assister à la coulée de la fonte. Ah, Lamarck, mes vieilles jambes ne me portent plus. Appuyez-vous sur moi, comte. Eh bien, nous y voilà. C'est la première fois que vous contemplez ce spectacle? C'est magnifique. 450 tonnes de fer sont coulées ici chaque année. Nous y avons forgé les grilles qui clôturent le jardin des plantes. C'est ici que vous avez mené votre fameuse expérience? Oui. J'ai chauffé au rouge des boulets de canon. Et j'ai calculé leur temps de refroidissement pour en déduire l'âge de notre terre. Je tiens pour certain qu'elle est un morceau de soleil arraché par une comète qui s'est refroidie ensuite. Et vous en avez conclu et écrit qu'elle avait 75 000 ans. L'affaire a fait grand bruit. Oh oui. Savez-vous quel est l'âge de la Terre selon l'Église, Lamarck? Eh bien, la création de la Terre par Dieu date, je crois, si mes informations sont bonnes, d'un lundi matin, un 23 octobre à 9h, en l'an 4004 avant la venue du Christ. Ah, voilà qui est précis. Mais 75 000 ans ont bien manqué de me faire excommunier. Nos illustres docteurs en théologie de la Sorbonne m'ont convoqué en 1775. On ne riait pas avec ces choses-là. Ils m'ont menacé. Mais il en fallait plus pour désarçonner un homme de ma trempe. Vous imaginez bien? C'était tout de même une bien dangereuse hypothèse. Bah, je leur ai écrit une lettre de contrition. Je regrette, blabla. Trois ans après, ils ont fini par me laisser en paix. Comment dites-vous? Il vaut mieux être plat que pendu. Oui, oui. Ma formule a longtemps amusé Monsieur Diderot. Il a dû moins s'amuser quand il a été jeté en prison pour ses écrits. De fait, pour ne pas subir le même sort, je n'ai jamais publié mes véritables calculs, Lamarck. Je l'ignorais. puis-je me permettre de vous demander ? Notre terre est beaucoup, beaucoup plus vieille, mon jeune Lamarck. Elle a, à mon sens, plus d'un milliard d'années. Un milliard d'années ? N'en tombez pas dans mon escalier, Lamarck. Il est plutôt abrupt. C'est que... comment concevoir une telle durée ? Bon, pour cela, pas besoin d'aller bien loin. Dans les carrières alentours, on trouve, dans les couches profondes, de nombreux fossiles, poissons et coquillages à la figure inconnue. Oserais-je vous demander de m'y emmener ? Soit, nous irons demain. Vous ne marcherez pas trop vite pour mes vieilles jambes. Ces vestiges d'animaux disparus, figurez-vous, nous indiquent qu'il y avait la mer en Bourgogne. La mer ? Oui, dans des âges très reculés. Bien au-delà des 6 ou 8 000 ans que dit l'Église. On doit donc, dans ces carrières, pouvoir consulter les archives de la Terre. Oui, bien dit, c'est exactement cela. Des archives qui ne sont pas du tout accordées avec celles du Vatican. Cependant, l'Église est réputée infaillible, et notre Seigneur... Allons, Lamarck. Les théologiens fabriquent les explications du monde qui leur conviennent. Respectons les saintes écritures. Oui, oui. Mais notre respect doit être éclairé. Éclairé, pas superstitieux. Toutefois, montrez-vous toujours très prudent. Proclamez souvent votre foi en Dieu, car... il vaut mieux être plat que pendu. En 1759, le pape Clément XIII avait condamné l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert et enjoignait aux catholiques, sous peine d'excommunication, de brûler les exemplaires en leur possession. L'Église s'opposera avec constance aux idées des savants des Lumières. L'estimation de Buffon sur l'âge de la Terre a changé totalement l'approche scientifique de Lamarck. Le brillant botaniste s'est alors intéressé de très près aux fossiles. On le voit souvent arpenter les carrières des environs de Paris, son piolet à la main. Tel un détective lancé sur les traces d'un suspect, il collectionne les spécimens des êtres du passé très lointain et aussi ceux du présent. Grâce à eux, il va découvrir ce que personne n'avait vu avant lui. Sous la Révolution, en 1793, Lamarck avait été nommé professeur de zoologie du Muséum national d'histoire naturelle récemment créé. Un poste dont personne ne voulait. À l'âge de 50 ans, il s'engageait dans une science à laquelle il ne connaissait rien. Pourtant, il lui donnera rapidement ses lettres de noblesse. Il sera bientôt admis sur la liste des citoyens illustres dans les lettres ou les arts, ayant mérité un soutien financier de la nation. En 1801, 130 étudiants suivent ses cours. Ils seront les premiers témoins de la naissance à Paris de la théorie du transformisme. Mon père est un homme d'une grande bonté. J'aime parler avec lui lorsque nous nous retrouvons dans son cabinet de travail, encombré de bocaux, de plantes, de fossiles et de coquillages sous la belle lumière dorée de sa lampe à huile. Il lui arrive de me montrer quelques vestiges d'animal des temps très très anciens, pétrifiés dans la roche. Il me demande alors « Ne dirait-on pas à Ménaïde que le vieux Noé a oublié de faire monter celui-ci dans son arche ? Est-ce pour cela qu'il a disparu à jamais, emporté par le déluge ? Et Dieu l'aura remplacé par un autre animal. C'est ce qu'ils pensent tous ici. » Je ne sais que lui répondre. Il se rassied alors à son écritoire. Je l'entends murmurer « Le Créateur peut donc ajouter ou retrancher à sa création, mais non, idiotie !» Bien que je le taquine souvent sur son habitude de se parler à lui-même, en ces instants, je suis triste. Car je suis bien certaine que ses idées sont justes. Mais il ne sait pas bien les défendre devant les autres savants. Et ses ennemis, tels M. Cuvier, tentent de les entraver de toutes leurs forces. Anatomiste et fondateur de la paléontologie, cette science qui s'efforce de reconstituer les fossiles tels qu'ils étaient de leur vivant et de déterminer leur âge, Georges Cuvier est aussi un redoutable homme de pouvoir. Partisan de la fixité des espèces, il est devenu le plus féroce adversaire de Lamarck. Il le combat sans relâche. Car Lamarck pense, au contraire de Cuvier et de la majorité des savants de son époque, que les espèces fossilisées, que l'on croit éteintes, existent encore. Ce matin, mon père a désiré que je l'accompagnasse à la ménagerie. Il était d'humeur enjouée, ce qui signifie souvent qu'il progresse dans l'écriture d'un de ses livres. Il en portait d'ailleurs un bien épais sous son bras, et j'ai reconnu le volume de Monsieur de Buffon qui parle des animaux à quatre pattes. Nous sommes allés nous asseoir près de l'enclos des ours. Ils dorment ordinairement dans la journée, alors on ne les voit pas. Un ours est souffrant, ma fille. La pauvre bête risque de trépasser. Oh. Tu vois cette petite cabane ? Oui. Son soigneur y demeure jour et nuit pour veiller sur son état. Causons un peu, veux-tu ? Voyons... la gravure de la girafe, tu la connais ? L'animal de l'Afrique au long cou, il est si drôle à voir. Elle vit dans des lieux arides, ce qui l'oblige à brouter le feuillage des arbres. Selon moi, son cou s'est tellement allongé au fil du temps qu'elle n'est plus de nos jours obligée de se dresser sur ses jambes arrière pour se nourrir. La taupe ! Oui, la taupe. Elle n'y voit pas bien. Ses yeux ne lui servent plus guère, car elle vit dans l'obscurité. Elle a donc fini par s'adapter à son monde souterrain. Les êtres vivants doivent, pour survivre, s'ajuster aux circonstances, évoluer sans cesse. C'est donc là l'objet du livre que vous écrivez, père ? Oui. J'y soutiens que les êtres vivants se modifient au cours du temps et donnent naissance à de nouveaux êtres très différents. Une espèce, confrontée à de nouveaux besoins, au gré des changements de notre Terre, s'y adapte en devenant une toute nouvelle espèce dotée d'une forme nouvelle. Telle la girafe, dont le cou s'est transformé pour que l'animal puisse manger les hautes feuilles des arbres. Cet aigle dans la volière n'a donc pas toujours été un aigle dans les temps très anciens. Sans doute un autre animal dont on retrouvera un jour le squelette pétrifié dans les roches profondes. Comme un grand lézard, par exemple. C'est possible. Et Lucullus, mon petit renard apprivoisé, que vous voyez là-bas dans son enclos. Où tu as accroché ton panier. C'est à lui que tu apportes des fruits. C'est là ton secret. Oui, c'est bien pour ce gourmand de Lucullus. Et donc ? Pourrait-il être l'ancêtre des gigantesques baleines ? Pourquoi pas ? Sous sa forme bien plus ancienne de renard. Mais d'où tenez-vous, père, cette... Cette théorie des êtres vivants descendant les uns des autres. Oui. Ce sont les fossiles qui me l'ont dit. Oh, vous vous moquez. Aménaïde, j'ai rassemblé des spécimens de 6000 espèces vivantes et de plus de 1000 espèces de fossiles. C'est en les décrivant et en les classant, avec ton aide bien sûr, que j'ai découvert cette chose essentielle. Les espèces ne meurent jamais. Elles se sont transformées au fil du temps dans de telles proportions qu'on ne les reconnaît plus. Les fossiles ne sont pas des espèces éteintes. Ce sont des espèces qui ont subi des transformations. Je crois que je comprends, père. Fort bien. Rentrons maintenant. Il fait frais. Et pour les hommes, alors ? Les ânes et les chevaux ont la même ascendance. L'homme et le singe ne pourraient-ils pas partager les mêmes ancêtres ? Même les femmes ? Même les jeunes filles, ma chère enfant. Mais, et Dieu, où est-il dans tout cela ? Oh, Dieu ! Il a sans doute créé les espèces en constant changement pour qu'elles puissent survivre au constant changement du monde. Et ainsi, perpétuer son œuvre. Vous allez le dire à vos étudiants ? D'abord à Georges Cuvier et à ses fidèles. Je m'attends à un accueil des plus hostiles. Mais tu sais, j'ai été soldat autrefois. J'y ai acquis une certaine science du combat à pied. Monsieur Georges Cuvier. Il a été nommé professeur d'anatomie comparée. Il est riche, il est conseiller d'État, il est membre de l'Académie des sciences. Il a des yeux de fourbe, et je le déteste. Il promène son long nez et sa chevelure bouclée dans les galeries. Il marche comme un automate de Monsieur Vaucanson, en faisant sonner les semelles de ses souliers sur les parquets. Ses manières sont des plus déplaisantes. Il règne entre mon père et lui la plus fâcheuse mésentente. Ils se querellent sans cesse. Mon père me dit souvent que Monsieur Cuvier est un tel intrigant que durant la terreur, il a même réussi à se faire nommer secrétaire d'une commune révolutionnaire. Comme je regrette que Monsieur Geoffroy Saint-Hilaire, qui prenait souvent la défense de mon père, soit parti explorer l'Égypte avec l'armée de Bonaparte. Mais il doit revenir très bientôt. Je suis certaine que les choses iront bien mieux quand il sera là. Et moi, Marc, je constate que vous êtes incapable de prouver par l'expérimentation cette fadaise de la transmutation des espèces. Voyez dans ces bocaux. Il y a ici plusieurs espèces actuelles de mollusques. Elles possèdent des ressemblances étonnantes avec des espèces fossiles que vous considérez comme éteintes. Des ressemblances, certes. Et donc ? Ce sont les mêmes espèces. Les anciennes se sont transformées pour arriver jusqu'à notre époque, pour survivre aux nombreux changements de la Terre. Les organismes s'ajustent constamment aux circonstances et se diversifient. Les anciennes ont été balayées par des catastrophes de la nature, et Dieu les a remplacées par des espèces nouvelles qui leur ressemblent parfois. Voilà tout. Et il a créé l'homme à son image. Il ne l'a pas conçu à partir d'un macaque. Je vous mets en garde. Avec vos idées fantasques, vous marchez contre Dieu, Lamarck. Je ne crois pas que Dieu puisse intervenir sur Terre pour changer la nature. Voulez-vous une preuve que l'homme ne fait pas partie du règne animal ? Elle est aveuglante. Il n'existe pas d'homme fossile. Mais si vous en trouvez un, Lamarck, venez vite me le présenter. Comme Lamarck s'y attendait, son idée selon laquelle les espèces ne disparaissent jamais mais se transforment au fil du temps est tout d'abord accueillie par Cuvier et ses partisans avec une ironie glacée. De surcroît, Lamarck innove. Pour lui, l'homme fait partie du règne animal. C'est une conception totalement révolutionnaire pour son époque. Et lorsqu'il ose prétendre que l'homme descendrait d'un singe, les choses s'enveniment. La guerre va faire rage quelque temps entre les deux hommes, puis finira par s'apaiser, laissant place à l'indifférence. Mais l'événement, tant attendu par Aménaïde, va la raviver. Janvier 1802. Étienne Geoffroy Saint-Hilaire est de retour d'Égypte. C'est une grande joie pour moi et pour mon père. Il a beaucoup maigri, et son visage qui était tout rond est désormais buriné et très cuivré. Mais son caractère est toujours aussi bouillonnant, et il nous a conté ses aventures chez les sauvages. Le désert, les naufrages, les maladies, les attaques des bédouins. Et puis, il m'a bien fait rire quand il a raconté que lorsque nos ennemis, les Anglais, voulaient s'emparer de ces collections d'animaux séchés, là-bas en Égypte, il leur a rétorqué qu'il préférerait toutes les brûler plutôt que de leur céder. Il a dit aussi à mon père qu'après les 3 années qu'il avait passées loin d'ici, j'étais devenue une très jolie jeune fille. Il nous a annoncé que dès que ces mâles seront débarqués, il en ferait sortir des merveilles inconnues, mais qu'il en réservait la primeur à mon père et à Georges Cuvier. J'ai bien l'intention de me cacher dans une des galeries hautes du muséum pour assister moi aussi à ce grand déballage. 42 caisses. Oh, 42. Étienne, mon ami, on dirait que tu as rapporté toute l'Égypte avec toi. Il en arrive encore 2 charrettes pleines. Tu as fait venir un greffier, Georges, c'est bien, qu'il recense tout cela. Pour l'heure, j'ai là certaines choses à vous montrer, messieurs. Citoyens, pose cette caisse ici. Donne-moi ton outil. Oh ! Quelle odeur ! Qu'est-ce que ça sent ? La sépulture, monsieur Lamarck. Et aussi des baumes inconnus. Des baumes ? Les apothicaires de l'Égypte ancienne avaient coutume de conserver intacts les corps des défunts grâce à des préparations particulières. Mais ce sont là des animaux, emmaillotés, comme des nourrissons. Ils ne le sont pas tous. Regardez, ce chat. Et... et cet ibis. Voyez ce jeune crocodile dont la tête dépasse des bandelettes. Et ce singe. Il existe là-bas des cimetières entiers d'animaux. Leurs poils, leurs écailles, leurs plumes sont intactes. Sais-tu quel âge ils ont? Plus de 3000 ans. Sans ces curieuses pratiques, ils ne seraient plus que poussière. C'est merveilleux. Donc, messieurs, vous conviendrez avec moi que leur physionomie est très exactement la même que celle des animaux que nous pouvons observer de nos jours. Greffier, consignez cela. Oui, messieurs. Que veux-tu dire, Georges? Ceci contrarie puissamment, Lamarck, vos théories sur la prétendue transformation, l'évolution des êtres vivants au cours du temps. Voici, devant nous, la preuve que vous construisez de vastes édifices sur des bases imaginaires. Je ne vous permets pas, Cuvier. Les espèces sont fixes, messieurs. Elles ne se transforment pas. Dieu les a créées et les remplace, à chaque catastrophe de la nature, tel le déluge, par des espèces nouvelles. C'est ainsi. Le Créateur referait donc plusieurs fois ses créations. J'ai affaire. Ailleurs. À vous revoir. Je vous laisse à vos puantes reliques égyptiennes. Sacre Dieu! Je l'ai connu un tout petit peu moins arrogant. Votre ami est devenu puissant au muséum, Étienne. Il est de plus soutenu par les religieux. Il n'a de cesse de bloquer les carrières de ses contradicteurs. Il leur interdit l'accès aux spécimens et aux revues savantes. Enfin, il me fait passer pour dément, ce qui m'indiffère, mais bien plus grave, il fait peser sur moi des soupçons d'athéisme. Votre théorie de la transformation des êtres vivants au fil du temps, monsieur... Eh bien, parlez. Tous ces animaux très anciens sont bien les mêmes qu'aujourd'hui. Mais que sont 3000 ans? Il n'y a qu'en observant une série ininterrompue de fossiles sur des millions d'années que l'on peut suivre cette évolution. La nature ne fait rien avec brusquerie, Étienne. Certains petits insectes ne vivent qu'une année. Ou moins encore. S'ils remontaient dans leur minuscule histoire jusqu'à la 25e génération, ils prétendraient que le bâtiment qui les abrite est là depuis la nuit des temps. Dans les jardins du Muséum d'Histoire Naturelle, le silence à cette heure tardive n'est interrompu que de temps à autre par les cris et les piaillements des animaux de la ménagerie. L'individu, vêtu d'une redingote rouge, tend devant lui une lanterne sourde dont la faible lueur ne parvient pas à percer l'épais brouillard nocturne. Ignorant qu'il est observé par la jeune Aménaïde, qui scrute la nuit depuis la fenêtre de sa chambre, il progresse lentement dans les hautes herbes. Il a erré longtemps parmi les arbres. Il s'est égaré dans le parc et il n'en retrouve plus la sortie. Soudain, il voit briller des yeux, juste devant lui. Il s'arrête, effrayé. Sa main se crispe sur son sac contenant son précieux butin. Maintenant, je comprends ce qu'était la lueur que j'ai vue la nuit dernière dans le parc. Je n'ai pas rêvé. C'était la lampe d'un brigand. On a volé le manuscrit de mon père. On s'est introduit dans son cabinet de travail et on a brisé la serrure de son écritoire. De précieux fossiles indispensables à sa démonstration ont disparu aussi. Mon pauvre père est accablé. Moi, je suis montée dans ma chambre pour ne pas qu'on me voie pleurer. De ma fenêtre, je le vois marcher dans la cour, l'âme en peine, ne sachant que faire. Monsieur Geoffroy Saint-Hilaire est devenu comme fou en apprenant cela. Il a pris ses pistolets et il a parcouru le parc à cheval avec deux gendarmes. Pourvu qu'ils aient trouvé quelque chose... Désormais, ils interrogent tous les employés et ils vont... Oh ! Un petit groupe arrive, mené par Monsieur Saint-Hilaire. Des gendarmes tiennent une jeune femme par le bras. Mais c'est une religieuse ? Que fait-elle ici ? Il y a un grand homme barbu avec eux. Ils se dirigent tous vers mon père. Lâchez-moi ! Tiens-toi tranquille. Monsieur Lamarck ! Lâchez-moi ! Étienne ! Enfin, vous voilà. Qui est donc cette sœur? Lâchez-moi donc, vous me faites mal! Votre voleur a été capturé et c'est une voleuse. Tenez-la bien, gendarme, et faites-la taire! Par chance, monsieur, votre manuscrit est sauvé. Elle voulait le brûler, sacre du haut. Mais nous l'avons attrapé avant qu'elle ne commette son crime. Et mes fossiles? Nous les avons aussi. Mais comment avez-vous réussi? C'est son chapeau rouge qui l'a confondu. Je ne comprends rien, rien! Expliquez-vous, Étienne! J'y viens. Ce citoyen barbu est le soigneur des ours. Avance-toi un peu, mon ami. Monsieur Lamarque. Il veillait la nuit dernière dans sa cabane à la ménagerie à cause d'une bête malade. Les loups lui ont donné l'alerte. Il a pris sa lanterne. Il a vu un homme en rouge qui s'enfuyait, tête nue et porteur d'un sac. Il a couru. Il l'a empoigné par les cheveux. Une perruque d'homme est restée dans sa main. Une perruque, la belle affaire. Et alors? Une perruque à l'apparence de la chevelure d'un homme. Il a entrevu une femme, morbleu, qui a réussi à fuir. Ce matin, notre ami le soigneur a trouvé un sac tombé à terre. Votre manuscrit et vos fossiles y étaient. Pourquoi ne me l'a-t-il pas rapporté lui-même? Mon nom figure sur mes écrits. Il ne sait pas lire. Oh non. Et il n'a pas compris l'importance. Et vous? Qui êtes-vous, ma sœur? Et pourquoi me voler mon bien? Je me nomme sœur Suzanne des Anges et j'appartiens à la congrégation du cœur sacré de notre Rédempteur. Voilà qui je suis. La drôlesse est l'une de vos étudiantes. Allons donc, il n'y a d'évidence aucune femme parmi eux. De fait, on aura instruit cette fille à l'esprit faible sur vos théories modernes. Trop modernes. Les rumeurs vont vite. L'impudente, pour s'assurer de leur véritable teneur, s'est glissée au milieu de vos auditeurs grimés en homme, avec bésicle et postiche, sans que personne ne la découvre. Comment avez-vous osé? Là, elle a su que vous prépariez un livre sur votre doctrine de la transformation des êtres vivants, et aussi l'endroit où vous déteniez vos écrits. Elle les a volés avec vos fossiles pour les détruire. Elle vous en dira peut-être la raison, mais je crois... Mais cette affaire de chapeau rouge, que vient-il faire ici, ce chapeau? En patrouillant à cheval dans le parc, j'ai aperçu cette religieuse fouillant les hautes herbes avec un bâton. Lorsque je l'ai interrogée, elle a bafouillé, puis sangloté. Nous avons trouvé un tricorne rouge, non loin, dans les herbes. J'ai fait venir notre ami, le soigneur des ours. Elle s'est mise à trembler en le voyant. Il a affirmé que ce tricorne portait les mêmes broderies que l'habit rouge de l'homme à la perruque qu'il avait poursuivi la nuit précédente. Oui, c'est ça. Enfin, bref, le fuyard et cette religieuse ne faisaient qu'un. Elle avait perdu son chapeau dans le parc et elle le recherchait. Pour sa mascarade, elle avait pris le vêtement à son propre frère. Elle m'a tout avoué. Mais quelle sorte de folie s'est donc emparée de vous, ma sœur, pour me nuire ainsi? Quelqu'un vous aura incité à faire ce geste? La supérieure de votre congrégation? Ou quelqu'un d'ici? Un membre du muséum? Cette entreprise, je l'ai conçue seule, monsieur le grand savant. Je suis allée écouter vos leçons de mécréants qui ne sont que blasphèmes. Ainsi, selon vos idées répugnantes, notre Seigneur Jésus-Christ aurait été le descendant d'un singe. Folie! Nos parents ont été créés par Dieu, immédiatement. Et c'est aller contre l'écriture sainte et la foi d'affirmer que l'homme serait le fruit de la transformation d'un être imparfait. Mais votre livre satanique est sauvé. Réjouissez-vous! Vous allez donc pouvoir répandre son venin dans l'esprit des pauvres gens. Et aussi trembler. Craignez le châtiment, car le diable vous punira bien. Quand vous serez mort, il vous ouvrira toutes grandes les portes de l'enfer. J'en suis convaincue. Monsieur Cuvier et sa cour de méchants paltoqués qui sont ses obligés ont comploté contre mon père en se servant de cette malheureuse. Monsieur Geoffroy Saint-Hilaire le sait aussi, mais il ne dit mot et se contente de jurer à voix basse lorsqu'il croit être seul. Les persiflages de ces beaux messieurs sur les travaux de mon pauvre père me causent un très grand chagrin. Les coups incessants qu'on lui porte sont infâmes. Mais moi, je le soutiendrai toute ma vie. Et même quand il sera bien vieux, je serai à ses côtés pour l'assister dans ses épreuves. Le chevalier de Lamarque publiera en juillet 1802 son livre « Recherches sur l'organisation des êtres vivants ». Il sera suivi en 1809 par « Philosophie zoologique », première grande synthèse de tous les temps sur la vie et l'évolution des espèces. Pour expliquer les transformations des êtres vivants, il élabore ainsi le premier une théorie scientifique systématique de l'évolution de la vie, qui formule une progression graduelle des organismes les plus simples vers les plus complexes. La théorie de l'évolution est née. en affirmant la transformation progressive et successive des espèces au fil des générations et au cours du temps, le français Lamarck aura précédé d'un demi-siècle l'anglais Charles Darwin, à qui on l'attribue trop souvent. D'ailleurs, après la parution du livre de Darwin, L'origine des espèces, en 1859, beaucoup de zoologistes s'exclameront « Mais c'est la doctrine de Lamarck !» Geoffroy Saint-Hilaire se ralliera à la théorie transformiste de Lamarck et combattra Cuvier. On découvrira le premier homme fossile en 1823. Lamarck, devenu aveugle pendant les 10 dernières années de sa vie, continuera à pouvoir écrire grâce à sa fille Aménaïde, fidèle à son serment. Lamarck appartient à une génération de penseurs français que Bonaparte nommait avec mépris les idéologues. Lors d'une présentation à l'Institut, le consul humiliera publiquement le vieux savant qui lui offrait son ouvrage en lui jetant « Ce volume, je ne le prends que par considération pour vos cheveux blancs », avant de passer le livre à un aide-de-camp sans l'examiner. Jean-Baptiste Lamarck meurt le 18 décembre 1829, à l'âge de 85 ans, dans sa maison du Muséum d'Histoire Naturelle qu'il aimait tant. La postérité vous admirera, mon père. Elle vous vengera. Le Chevalier de Lamarck et le Cou de la Girafe de Patrick Nautret avec Bernard Gabet, Jean-Baptiste de Lamarck, Camille Garcia, Aménaïde, Jean-Claude Durand, Buffon, Jonathan Eckel, Georges Cuvier, Mathieu Marie, Geoffroy Saint-Hilaire, Gwenaëlle David, Sœur Suzanne et les voix de Michel Baladi et Jean-Luc Vincent. Bruitage Bertrand Amiel, prise de son montage et mixage Claude Nior et Yacine Monet, assistant à la réalisation Cécile Lafont et Félix Levacher, réalisation Sophie Haute-Picon. Dans quelques minutes, nous reprenons la discussion sur Lamarck avec mon invité Laurent Loison. C'est pas surprise si je dis à m'a chanté pour ouvrir les mesures qui ont passé, pas que m'a j'en fin payé. Nous pas mon la grande société, n'a pour les sujets croisant dit maman. Pito nous chanter souple, relais l'espoir côté lié, pour nous pas décourager, car nous exister. Maman chérie, c'est où toute vie, détermination. Geste tendresse, affection manquée, tout ça cause des situations. Garde l'angers, garde l'angers, c'est que nous tous des caprochés, maman. Contentez-moi de m'arriver, maman, pas gain, joue sacré. L'issoute est à l'exister, la caille flérose pas rentrée. Pour que moi de vrai, chercher la vie pour m'pas qui tout souffrir. C'est pas envie manquer, pareil si je pas nous un peu corriver. Pour que moi de vrai, chercher la vie pour m'pas qui tout souffrir. C'est pas envie manquer, pareil si je pas nous un peu corriver. Maman, gageant la vie, fais-moi casouiller, fais-moi résiller. J'ai poigné, moi pas coupé, bien maman trimé, la trimé. Tout temps des chitons à parler, depuis tant des pralés passés, maman, tout de suite, faut le gagner, l'eau langer. L'eau sa bon ange moi aller, même voler moi ta voler pour cap qu'on consoler. Son vieille madame qui gagne courait pour l'y résister. Après un carré son tête crattée, l'y sourit, m'en défédéraler. L'y dit petit, mais nous pas né, qui montait pas qu'on déplaçait, maman. Tout le monde pas fait pour errer, monde pas fait pour trop presser. C'est parce que car observer qui fait guetter chargé. Où est que moi dévoué, chercher la vie pour pas qui tout souffrir. Leila Makkala, Man Man, dans Autant n'emporte l'histoire sur France Inter. L'émission est réalisée par Antoine Dabrowski, assisté de Christiane Alain Favre, programmation musicale Djoubaka, à la technique Pauline Naverdure. Alors, Laurent Loison, donc je le rappelle, vous êtes historien des sciences, spécialiste de l'histoire des théories de l'évolution. Vous venez d'écouter avec nous la fiction consacrée à Lamarck. Je vous ai vu sourire en écoutant cette version très romanesque de la vie de l'inventeur de la théorie du transformisme. Bon, bien sûr, ce qui est totalement inventé, c'est l'épisode de la religieuse travestie en homme qui cherche à voler le livre de Lamarck pour le brûler. Mais Laurent Loison, est-ce que Lamarck, dans la réalité historique, avec cette théorie quand même assez révolutionnaire, est-ce qu'il a réellement subi les foudres de l'Église ? Alors, autant qu'on puisse en juger, assez peu, sans comparaison avec ce qui a pu se passer un demi-siècle après pour Darwin. Et comment l'expliquer, ça ? Alors, il y a plusieurs raisons qui expliquent ceci. La première, c'est que le moment où Lamarck publie ses idées sur la transformation des espèces est quand même un moment très particulier dans l'histoire française. Et effectivement, il y a un retour du religieux avec la montée en puissance de Napoléon. Néanmoins, la révolution est passée par là, le siècle... On est encore dans les idées révolutionnaires. Voilà, ouais. Il y a pas forcément de chape de plomb religieuse sur le débat scientifique. Donc ça, c'est déjà une raison. Et puis, le fait est que les idées de Lamarck ne vont pas avoir le même impact que celles de Darwin et vont rester dans des cercles beaucoup plus confidentiels. Elles ne vont pas être répandues au-delà des spécialistes et ne vont pas gagner le grand public, même le grand public cultivé. On peut dire que la Révolution française, tout de même, a favorisé la recherche scientifique. Lamarck, d'ailleurs, a été honoré par la Révolution. Alors, la Révolution française, c'est un phénomène historique extrêmement complexe et donc, c'est difficile de porter un jugement global. Mais néanmoins, si on simplifie un tout petit peu l'histoire, on peut dire que oui, la Révolution française a favorisé l'institution de la recherche. Puisque le muséum est créé en 1793, par exemple. En tant que structure financée par un État, c'est quelque chose de relativement inédit. Et effectivement, le muséum d'histoire naturelle vient directement de cet élan révolutionnaire. Après, il y a eu des trajectoires personnelles plus compliquées et Lamarck s'en est relativement bien sorti. Oui, quand vous parlez de trajectoires compliquées, on peut penser par exemple au chimiste Lavoisier, guillotiné en mai 1794. Mais guillotiné pour des raisons extra-scientifiques. Oui, mais quand Lavoisier demande un sursis à sa peine de mort pour pouvoir achever une expérience, le président du tribunal révolutionnaire aurait répondu « La République n'a pas besoin de savants ni de chimistes, le cours de la justice ne peut être suspendu. » Je pense aussi à Condorcet, évidemment, on a eu l'occasion dans cette émission d'en parler, et qui a été décrété d'arrestation en 1793, donc au moment de la création du muséum d'histoire naturelle. Donc effectivement, il y a des trajectoires assez différentes dans l'évolution. Après, il y a des histoires personnelles qui font aussi que ça a été plus compliqué pour certains que pour d'autres. Mais effectivement, il y a quand même eu un élan pour... La Révolution était porteuse, malgré tout, de l'idéal scientifique, de l'encyclopédie, du siècle des Lumières. Oui, et puis très concrètement, il y a eu le financement du Muséum d'Histoire Naturelle. Donc il y a des choses extrêmement concrètes. Les gens ont pu faire carrière dans la science et être financés pour ça, ce qui était relativement rare encore au XVIIIe siècle. La fiction qu'on vient d'entendre se termine par ces mots de sa fille, la fille de Lamarck, Aménaïde. « La postérité vous admirera, mon père, et vous vengera. » Ce sont des mots authentiques ? Alors ça, c'est extrêmement difficile de le savoir. En tout cas, effectivement, ce sont les mots que l'on retrouve sur la statue de Lamarck qui trône au Jardin des Plantes actuellement, à l'entrée. À l'entrée, face à la Seine. Face à la Seine. Une statue où on passe souvent devant sans s'en rendre compte. Et c'est une statue qui a été érigée pour le centenaire de la philosophie zoologique, donc en 1909. Philosophie zoologique est donc le titre du livre de Lamarck. L'ouvrage phare de Lamarck publié en 1809. Et en 1909, précisément, Lamarck était honoré volontairement par les biologistes français qui se réclamaient de ses idées. Donc c'est le moment où ces idées sont totalement en lumière. Alors après, est-ce que c'est précisément ce qu'aurait dit sa fille à un moment donné ? Ça reste compliqué de le savoir, bien sûr. Malgré tout, Lamarck, son corps a été jeté à la fosse commune. Darwin, lui, aura plus de chance. Il est à Westminster. Sa dépouille repose à Westminster. Donc, est-ce que l'idée que Lamarck aurait été injustement oublié n'est pas complètement un mythe pour vous ? Alors, c'est pas complètement un mythe, mais c'est pas complètement vrai non plus, évidemment. C'est toujours un peu plus compliqué que ça. Lamarck a été reconnu de son vivant comme un très bon botaniste d'abord, et puis ensuite comme le fondateur de la zoologie des invertébrés. Et son livre, L'histoire naturelle des animaux sans vertèbres, a été un classique durant près d'un demi-siècle dans toute l'Europe savante. En revanche, ses idées sur la transformation des espèces étaient plus contestées. Pour tout un tas de raisons, et d'abord parce que Lamarck, en fait, au moment où il publie ses idées, en fait, est déjà un savant âgé. Il a une soixantaine d'années, et dans le détail, ses théories sentent le XVIIIe siècle, fleurbon le XVIIIe siècle, et pour les gens comme Cuvier qui voulaient changer l'histoire naturelle en quelque chose de beaucoup plus expérimental, de beaucoup plus rigoureux, les sciences naturelles, en fait, les idées de Lamarck étaient trop spéculatives. Ce qui explique aussi la différence de traitement entre les deux. Que sait-on de sa fille, Aménaïde ? Qu'est-elle devenue par la suite ? Est-ce qu'elle est devenue elle-même une savante ? Alors, pas à ma connaissance. C'était difficile au début du 19e siècle de devenir une savante, quand on sait quels obstacles a dû franchir, par exemple, Marie Curie pour faire carrière. Au début du 20e siècle. Je rappelle quand même qu'un siècle plus tard, Marie Curie a été la première femme, à ma connaissance, à soutenir une thèse de doctorat en sciences en France, et que pendant longtemps, on l'a empêchée d'entrer à l'Académie des sciences parce qu'elle était une femme. Donc là, on est un siècle avant Marie Curie. Et donc, c'était quasi impossible pour une femme de faire carrière en sciences. Pour être honnête, je n'ai pas beaucoup d'éléments biographiques à vous donner. Je crois qu'on ne sait pas grand-chose sur sa fille. Elle. On ne sait pas grand-chose. Sinon, effectivement, qu'elle s'est occupée de son père durant les dernières années de sa vie, alors qu'il était aveugle et très âgé. Lamarck est décédé à 85 ans, ce qui, pour l'époque, est considérable. Alors, on assiste aujourd'hui, Laurent Loison, c'est difficile d'y échapper, à un retour du religieux sur la sphère publique, dans le domaine politique, un peu partout dans le monde. Les fondamentalistes de tout poil n'en finissent pas sur Internet et ailleurs de s'attaquer aux théories de l'évolution. Et en même temps, les recherches récentes révèlent chaque jour davantage le lien entre l'humanité et le règne animal. De quoi cela est-il le signe, à votre avis ? Ça, c'est malheureusement le signe qu'il y a un fossé qui est en train de se creuser entre la culture populaire les connaissances scientifiques, du fait d'un manque de passage, de transmission de ces connaissances. Et ça, évidemment, c'est extrêmement triste. Il est impossible de douter, évidemment, que l'espèce humaine ne soit pas ancrée dans le règne animal actuellement, étant donné les connaissances scientifiques que nous avons au XXIe siècle. Pour autant, malheureusement, par méconnaissance, par inculture... par croyance, il y a énormément de gens qui refusent en fait la science et donc les résultats de la science. La science reste un combat. Ah, évidemment, oui, bien sûr. Merci beaucoup Laurent Loison. Vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle « Qu'est-ce que le néo-lamarckisme ?» qui est paru en 2010 chez Vuibert. Autant n'emporte l'histoire est terminée pour aujourd'hui. L'émission est bien sûr réécoutable, podcastable sur notre site franceinter.fr. Vous pourrez aussi écouter les émissions que vous avez peut-être manquées, Les derniers jours de Jean Jaurès et le déclenchement de la Première Guerre mondiale, ou bien encore Artemisia Gentileschi, une femme peintre géniale de la Renaissance italienne. Et bien sûr, j'attends avec impatience vos commentaires sur le site de France Inter et sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, vous pourrez entendre l'émission initialement prévue il y a 2 semaines. Nous partirons au Moyen-Âge, en Normandie, dans la bonne ville de Falaise, où en 1386 se tint un procès pour le moins insolite qui fit grand bruit dans tout le duché. C'était l'époque où l'on croyait fermement que les animaux, créatures créées par Dieu, avaient une âme, tout comme les humains. Décidément, on n'est pas très loin de Lamarck. Notre détective sera Jean d'Harcourt, le vicomte de Falaise. Pour en parler, je recevrai l'historien Michel Pastoureau. À dimanche prochain. Dans quelques minutes, vous avez rendez-vous bien sûr avec Soro Solo pour l'Afrique en solo. Très bonne soirée à tous.